bon, messieurs, dames, un prologue ennuyeux pour demander votre indulgence, puisque nous espérons d'avance que vous nous l'accordez, messieurs. Est-ce pour excuser le risqué de nos scènes ou des couplets trop libertins? À quoi bon? Tout est sain au sein. Que je suis drôle. Et tous, vous êtes sains. Pardon, madame, et saine. Sur le programme, on mit opérette légère. Tant pis si cela vous déplaît. À la guerre comme à la guerre. Non, à la paix comme à la paix. Moi qui m'appelle Phidias, joli nom, n'est-ce pas, et que tout le monde surnomme Fifi, j'attends mes modèles dans mon atelier, car je suis sculpteur. Oui, oui, j'ai la bonne place. La Vénus de Milo, vous savez, c'est moi qui l'ai faite, avec les bras. Hein. Et la Victoire de Samothrace, c'est moi aussi qui l'ai faite. Et la statue de mon ami Périclès, vous savez, le général, le grand, c'est moi. Où en étais-je? Ah oui, j'attends dans mon atelier mes petits modèles. Si vous saviez comme elles sont mignonnes. Ah, les voilà, les coquines. Allons, mesdemoiselles, présentez-vous.